Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. 1965 marque un tournant dans l'inspiration artistique de Nikita Saint-Phal. Connue jusque-là par les professionnels de l'art, elle propose des sculptures libres et joyeuses, ces nanas, qui la rendront célèbre. Les nanas représentaient pour moi le symbole de la femme joyeuse, libre, sûre d'elle-même. C'était les nanas au pouvoir, c'était les femmes au pouvoir. Nikita Saint-Phal est une autodidacte qui découvre l'art comme une thérapie, alors qu'à 22 ans, elle est internée pour une grave dépression. Elle se sent alors proche de Jean Dubuffet, inventeur du concept d'art brut, et du douanier Rousseau. La création, dit-elle, doit donner un semblant d'ordre poétique au chaos toujours menaçant. Après ses premiers essais, elle pourrait devenir une icône de la peinture moderne. Belle et intelligente, elle a été mannequin, elle refuse cependant un rôle d'égérie ou de muse au sein du groupe des nouveaux réalistes qui l'accueillent. Elle est d'abord soucieuse de s'affirmer en tant que femme créatrice. Refusant le rôle traditionnel que son milieu lui assigne, « Je n'accepterai pas, dit-elle, les limites que ma mère tentait d'imposer à ma vie parce que j'étais une femme. » Elle répond d'abord à la violence de la vie. Elle confessera plus tard que son père l'a violée à l'âge de 11 ans. In shooting myself, I took aim at society and its injustices. In shooting my own violence, I took aim at the violence of the times. Elle met au point une procédure artistique, les tirs. Il s'agit de disposer sur une toile divers éléments en dissimulant à l'intérieur des poches de peinture, puis de se poster à quelques mètres et de tirer sur la toile à la carabine. Les poches de couleur en éclatant font alors saigner ou pleurer l'œuvre. Ou bien, elle invite le public à lancer lui-même des flèches sur son Saint-Sébastien. Elle découvre l'œuvre de Gaudi à Barcelone, en particulier le parc Güell, célèbre pour son décor de céramique colorée. Elle en retire deux idées. Celle d'un art coloré aux formes arrondies et naturelles, qui la pousse vers la sculpture, et celle d'une création au service du public. Les nanas sont au croisement de ces deux envies. Elles sont féminines et leur courbe rebondie évoque la maternité ou les mythes de fécondité. Mais elles s'affirment seules, pas de mecs. Les hommes, dit cette féministe décidée, sont de pauvres types, tout juste bons pour décorer mon lit ou cirer mes bottes. Pour autre chose, je n'en ai pas besoin. Moi, je m'appelle Nikita Saint-Phal et je fais des sculptures monumentales. Propos précurseur, bien avant mai 68, du féminisme en France. Propos radicaux qui ne l'empêchent pas, à côté de ses créations personnelles, de mener avec son second mari, le sculpteur suisse Jean Tingeli, des œuvres communes. C'est ensemble, par exemple, qu'ils réaliseront la fontaine Stravinsky près du centre Beaubourg, où tournoient dans les jets d'eau les sombres machines déjantées de l'un et les personnages colorés de l'autre. En investissant le terrain de la sculpture monumentale, jusque-là réservée aux hommes, Nikki ne cherche pas seulement à affirmer son statut d'artiste de premier plan. Elle saisit aussi l'occasion de s'éloigner, par la commande publique, du marché de l'art et de ses spéculateurs. Elle ira jusqu'à financer elle-même la création d'un parc, le Jardin des Tarots en Toscane. Elle a pu voir l'explosion du marché de l'art, la disparition du système traditionnel de galeries au profit de galeristes installés dans plusieurs pays, stockant et revendant comme on joue en bourse. On a reproché à Nikki de vendre dans les boutiques des musées des petites nanas gonflables pour se rapprocher du grand public. Aujourd'hui, on applaudit quand Jeff Koons expose des sculptures gonflables dans les salles historiques du Palais de Versailles lors d'une opération de marketing croisé ou de cross-branding, comme on dit dans les écoles de commerce. La grande exposition rétrospective présentée au Centre Pompidou en 2014 a permis de montrer que Nikita Saint-Phal est tout simplement un des plus grands artistes de la seconde moitié du XXe siècle, tout genre confondu. Alors j'ai la folie des grandeurs, mais j'ai la folie des grandeurs féminines, c'est différent. Mon monde, il est courbe, il est rond, c'est un monde féminin, et on voit qu'est-ce que c'est la folie des grandeurs d'une femme qui enfin a tendu 20 siècles pour pouvoir se manifester comme je le fais aujourd'hui.